dry dead, your head would be splattered all over this field. Now, where's the girl? I want life. I said, where's the girl? I have the right for life. Where's the girl? I have right. Tu disais que tu voulais voir du pays, et pour ça, t'étais monté là-haut. Maintenant, regarde-toi, t'es comme un idiot, et tu veux juste revenir ici. Alors bon, à la limite, si tu sais couper du bois, peut-être, on t'enverra dans le brûloir. Alors par contre, te prends pas trop pour Charlie Pulse, parce que sinon, on va te démonter ta gueule. Une allemande albanaise, ramène ma troupe de fraises. Une allemande albanaise. Et oh, les putes à chicanos de Pompignan nous ont prévenu. Elles n'aiment vraiment pas ta face de gland. Alors, aujourd'hui, estime-toi heureux qu'on te cause. Mais sinon, putain, va tirailler. Mongol sèche, plonge à malose. Et surtout, ramène pas trop ton fion. Parce que sinon, on va te le remplir de chasse-là. Comment ça, tu connais pas? C'est une spécialité de moi, sac. Ouais, tu verras, te connaissant, je suis sûr que t'aimeras ça. Copine. T'aurais mieux fait de rester là-haut, à manger des pains au chocolat et à prier pour qu'il fasse beau. Parce qu'ici, c'est frottant, chocolatine, Kansas, si tu veux, et surtout, Sunshine. Et puis on t'avait prévenu, putain, fallait écouter. T'aurais dû la manger, cette biscotte. Quand 15 saplaqués demandent, tu fais. Maintenant, t'as plus de dents, tu grelottes, tu pleures à poil devant la cathédrale. Ouais, c'est pas vraiment grave, c'est juste une petite douleur au trou de balle. Idiots.